Unité 3. 3B. Où tu habites, toi, Jean-Pierre ? Moi ? J'habite dans le sud de Marseille. Ah bon ? C'est super ! Près de la plage, alors ? Oui, il y a même plusieurs plages. Oui, je sais. T'habites près du port ? Non, pas vraiment. Moi, je suis plutôt à côté du palais de justice. Ah, d'accord. Eh bien, dis donc, c'est bien chic comme endroit. C'est un quartier génial, non ? Oui, c'est un quartier super agréable et très vivant. Et juste à côté de chez moi, il y a un super cinéma et un marché énorme. Et pour aller au centre, il y a un métro tout près. Tu sais, c'est près de la place Castellane.